Saint-Louis est une des 14 régions que compose le Sénégal, un pays situé dans la partie ouest de l'Afrique. Ancienne capitale de l'Afrique occidentale française, elle fut aussi la première ville administrative de la République du Sénégal. Sa beauté architecturale témoigne d'une présence coloniale, d'un métissage de plusieurs cultures, fait d'elle une ville qui attire. À la porte de Saint-Louis, un nom résonne, Mam Koumba Bang. Cette légende, ce mythe pour certains, occupe une place importante dans cette ville qu'est Saint-Louis. Ndar pour certains, la ville de Mam Koumba Bang. Mam Koumba Bang, mythe ou légende? Une œuvre radiophonique de Mbaye Diop, Eric Desjeux et Jonathan Frigeri. Une production de l'Institut international de recherche sur la radio et la magie. Mam Koumba Bang, c'est un personnage mythique de Saint-Louis. D'aucuns disent que c'est la déesse des eaux du fleuve à Saint-Louis et que c'est la protectrice de l'île de Saint-Louis. Tout le monde est d'accord que Saint-Louis, c'est la ville de Mam Koumba Bang. Nous, on est nés ici et on a trouvé cette histoire. Nos parents et arrière-grands-parents aussi. On est très attaché à ça. Qui est Mam Koumba Bang? Qui est Mam Koumba Bang? Ce que nous connaissons d'elle, c'est que depuis notre naissance, nous avons entendu dire que Saint-Louis est la ville de Mam Koumba Bang. Quand tu pars à Dakar, on te parle de Luc Daour. À Yoff, nous avons Mam Diaré. À Kaolack, Mbossé. À Rufus, que Mam Koumba Lambaye. Ici à Saint-Louis, tous les gens qui vivent jusqu'au plus petit, si tu leur poses cette question, ils diront que Mam Koumba Bang est notre grand-mère. Donc je veux dire par là que partout où tu vas dans le monde et que tu demandes où se trouve la ville de Mam Koumba Bang, ils diront Saint-Louis du Sénégal. Avec la présence ici du fleuve et de la mer, cela peut être logique. Bon, Mam Koumba, c'est un prénom. Mam Koumba. Donc, c'est un prénom usuel. Hein? Beaucoup de gens, beaucoup de femmes qui s'appellent Mam Koumba. Mam Koumba, Mam, c'est la grand-mère hein, en Wolof. Mam Koumba. Mam Koumba Bang. Alors, le Bang, là, oui, ce sujet a diverses interprétations, mais celle qu'on retient le plus, c'est que Mam Koumba avait l'habitude, je ne sais pas si elle le fait toujours, de s'asseoir sur un banc juste en face du fleuve. Raison pour laquelle on l'appelle Mam Koumba Bang. Mam Koumba du banc. Bang. Bang. Bang, c'est en fait c'est la prononciation déformée de banc en Wolof. Quoi. Bang. Bang. C'est le banc en Wolof. Koumba, c'est un prénom. Bang, c'est. D'après ce que j'ai retenu, moi, ça viendrait ça viendrait de Ban, en fait, parce qu'il y a le mythe, l'un des mythes, parce qu'il y a plusieurs différents mythes fondateurs de l'histoire de Mam Koumba Bang, l'un des mythes, dirait que c'était une jeune fille qui était humaine, qui a été kidnappée. Et lorsqu'elle a été kidnappée, elle était assise sur un banc au bord du fleuve avec sa mère qui faisait le linge. Et donc, Mam Koumba Bang, sur le banc là-bas. On pourrait trouver d'autres explications au Bang, tu vois, mais l'un des mythes derrière l'existence de Mam Koumba Bang, c'est que c'était une petite fille dont le père avait des visions, le père avait une voyait, donc voyait l'autre monde, voyait l'autre dimension, et avait interdit à sa mère d'aller au bord du fleuve à une certaine heure pour faire son linge, comme les femmes de Saint-Louis le font au bord du fleuve. Et sa mère a bravé cette interdiction. Elle est partie avec sa fille au bord du fleuve pour faire le linge. Que c'était un génie dans le fleuve qui est sorti. Il lui a demandé de l'eau, un truc du genre. Et les esprits ont récupéré la petite qui était assise sur le banc et l'ont élevée parmi eux. Elle était comme hypnotisée, elle l'a suivie, elle a plongé dans le fleuve. Donc elle est devenue génie, comme ça. Et elle est devenue aussi le génie tutélaire et l'esprit protecteur de Ndar, donc de l'île de Saint-Louis. Et de temps en temps, elle prend la forme humaine et elle rentre dans la ville et elle fait ses choses. Donc le bang viendrait de là. Mam, c'est juste ancêtre, quoi. Sunu Mam, notre ancêtre. Notre grand-mère ou bien notre grand-père. Genre. Mam Kumba Bang. Kumba. Digen Leidol. Kumba, c'est le nom d'une femme et non d'un homme. Digen qui? La femme assise sur le banc, c'est une vieille et non une jeune fille, raison pour laquelle on dit Mam. Personne ne peut donner son âge ni son lieu d'habitation. Ensuite, le plus souvent, on la dépeint sous les traits d'une très très belle femme, d'une très belle femme, à la peau claire, aux longs cheveux, n'est-ce pas? C'est la vieille, quoi. Mais avec son cheveu, son physionomie, son yeux là, comme tu dessines la forme de diable, quoi, mais pas forme de personnage, seul. Parce que même les bras et nos bras, pas la même chose. Ils sont au milieu, ils sont habillés. Nul ne peut dire que c'est elle, Mam Kumba Bang. Personne ne l'a vu. Mais pratiquement, ça revient à cette vieille dame, etc. Là. Ils ne l'ont pas rencontré jeune, tout le monde parle de. C'est l'âge de Mam Kumba, une vieille dame, on dit une vieille dame, etc. Selon notre imagination, elle est une sirène. Bon, elle a de gros yeux, une petite nez, de grandes oreilles et des chevelures longues. Elle était élancée, avait des cheveux, avait le teint clair et tout. Et j'ai dessiné qu'elle a de longs cheveux. Elle avait un nez étroit, ses yeux étaient dispersés. Elle avait de gros yeux avec une couleur bleu marine. Elle avait aussi une bouche un peu large et des dents de requin. Sa silhouette était, j'avais dessiné une silhouette de poisson. Toute personne qui vit dans l'eau doit être une sirène forcément. Il y a beaucoup de versions, hein? Il y a beaucoup de versions. Chacun y va de sa petite version. Si bien que c'est quand même un personnage assez composite. Parce que... vous aurez autant de Mam Kumba Bang que de personnes que vous interrogerez. Parce que, en réalité, un mythe, si on revient un petit peu aux définitions, un mythe, c'est quand même une histoire, entre guillemets, vraie. C'est une histoire à laquelle on croit, dans les populations où existe le mythe. Le mythe est vrai parce que les gens y croient. Et le mythe, c'est un récit fondateur qui sert à expliquer un petit peu certains phénomènes qui échappent à... la compréhension des gens, comme la mort ou la séparation entre le ciel et la terre, etc. etc. Bon, des grands phénomènes naturels ou humains que les hommes ne peuvent peut-être pas, n'ont pas les outils pour expliquer, et donc ils se réfèrent au mythe. Le mythe aussi est l'objet, disons souvent, de, disons qu'il, qu'il est aussi à la base de certains rituels, de certaines croyances. Ce n'est pas le cas de Mam Kumbabang. Je pense que là, on parle de mythe de manière un peu générale, quoi. Le mythe comme histoire imaginaire, simplement. Hein. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Un mythe, hein. Donc une histoire qui n'a pas d'origine précise. Parce que personne ne peut vous dire d'où vient Mam Kumbabang, comment, voilà, quelle est l'origine de son existence, etc. etc. Personne n'a vraiment de données fiables là-dessus. Hein. Et dans ce sens, c'est un peu évanescent, quoi. Et comme le mythe. Le mythe n'a pas d'existence réelle, concrète. Donc là, on peut rapprocher le sens de mythe, de légende, de conte. Là, voilà, le mythe est pris dans ce sens-là. Et je pense que c'est le cas de Mam Kumbabang. Il y a l'histoire d'abord, mais il y a le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel. Mais on ne peut pas non plus parler du patrimoine immatériel de Saint-Louis et ne pas parler de Mam Kumbabang. Et l'oralité en Afrique, oui, parce que l'oralité est au cœur de nos sociétés. Juste le fait d'être issu d'une société orale et d'avoir des codes, même de manière intuitive, même sans en être conscient, on a ces codes. Et donc quand quelque chose qui reflète ces codes-là arrive, il y a une forme de familiarité. Ici, pour communiquer, dire qu'il y a un événement, ce sont des griots qu'ils faisaient. Quand le roi appelait à des réunions publiques, ce sont des griots qu'il faisait oralement, avec un tam-tam, avec le verbe. Avec l'oralité s'inscrit dans un rythme. S'il n'y a pas de rythme, il n'y a pas d'oralité possible. Donc, mais nos parents étaient dans cette tradition syncrétique de la religion musulmane ou chrétienne et un peu maintenant de l'animisme. Et c'était comme ça que nous, on a perçu Mam Kumbabang. Un personnage un peu esselé, je dirais un peu unique, un peu singulier aussi, parce que elle évolue dans un milieu où on n'admet plus, on ne tolère plus tellement les mythes parce qu'on est dans une société islamisée. Donc la religion musulmane, elle est omniprésente ici à Saint-Louis. Je n'ose pas dire qu'il y a un syncrétisme parce qu'elle n'est pas du tout dans la religion musulmane. C'est pas admis, hein, de toute façon. On peut juste tolérer que certaines personnes y croient, mais c'est pas accepté, quoi. C'est pas bon. Donc, il n'y a pas de syncrétisme possible là. Il peut arriver, par exemple, qu'une tradition qui est pré-islamique se retrouve à apporter un cachet islamique aujourd'hui et que des jeunes se disent « Ah, ça c'est bon, ça c'est musulman de le faire », alors qu'en réalité, c'est une pratique qui était là avant l'islam, qui porte aujourd'hui des habits de l'islam. Parce que l'islam même se sert aussi des fois des légendes pour transmettre certaines valeurs. C'est les hommes qui ont créé les djinns là, les Mam Kumbabang, les autres, etc. C'est les hommes qui ont créé ça. Ils ont existé, mais ils n'ont pas... importance, ils n'ont pas trop importance. Parce que ce métissage a permis aux gens de s'inscrire, soit on est chrétien, on est musulman, ou bien on ne croit même pas en quelque chose. Mais on garde toujours les traditions, c'est-à-dire... Tout à l'heure, on a vu au niveau du centre d'interprétation la religion chrétienne, la religion musulmane. Mais à côté, on a vu Mam Kumbabang. Ça veut dire que, en plus de la religion, il y a la culture qui est là. Et c'est deux choses qui sont différentes, mais qui doivent normalement, et que nous arrivons d'ailleurs à vivre. Nous vivons avec les deux. Parce qu'il y a, bon, entre guillemets, dans toutes les familles pratiquement, vous allez demander à un marabout de voir l'avenir pour vous quand vous voulez faire quelque chose, que ce soit rentrer en politique, viser un poste, faire des examens, mais ça revient à cela, c'est notre culture. Ah, mais puis il y a Gourvette aussi. Ça fait pas si longtemps, on a vu une femme entrer dans le restaurant Flamingo. Elle était assise et les gardiens ne pouvaient pas dire par où elle est passée avant d'arriver sur les lieux. Elle n'est pas passée par la porte, elle était de teint très clair. Quand on lui a demandé, elle a répondu qu'elle est venue pour consommer, prendre un verre. Nous lui avons demandé par où tu es passé. Elle a répondu au bord de l'eau. Les gens ont eu peur et ont demandé aux gardiens de la faire sortir. Arrivée à la porte de sortie, au niveau de l'angle, elle dit au gardien de la laisser tranquille. Le gardien lui demande « Mais où est-ce que tu habites ?» Elle lui répond « Dans l'eau ». Il lui dit « Mais ici, c'est de l'eau ». Elle lui dit « Oui, mais j'habite ici ». Elle lui montre du doigt là où elle habite, dans l'eau. Au moment de la discussion, l'écharpe de la dame tombe. Le gardien essaye de la récupérer. Et quand il s'est relevé, il constate que la dame a disparu. C'est une histoire vraie. Je sais quelque chose sur Mam Koumba Bang. Quand on allait au marché, le marché de Ndar Tengijen, après le pont, elle venait faire ses courses au milieu de la journée vers midi. Après, elle donne ses courses à un talibé. Le talibé l'accompagne jusqu'au bord du fleuve. Elle prend ses courses et disparaît dans l'eau. Et là, elle est sortie pour aller fumer, parce que les Saint-Louisiennes étaient de grandes fumeuses, influencées par les Berbères. Elle est sortie pour fumer. Et tout de suite, elle a eu la chair de poule en se disant « Mais qu'est-ce qui se passe autour de moi ?» Elle a levé la tête et tout de suite, elle a vu une créature, une forme humaine, assise, de dos, avec les cheveux qui flottaient dans l'eau. Et elle est revenue à l'intérieur, paniquée. Et bien sûr, ici, comme tout le monde allait à l'école coranique, quand tu vois des choses, tu récites tout de suite hein, des versets de Coran et qu'elle s'est mise sur le visage. Ensuite, sa tante qui dit, mais tu as eu le temps de fumer? Elle dit non, parce que ce que j'ai vu à l'extérieur, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Elle lui a raconté une forme humaine avec des cheveux qui flottaient. Il dit, voilà, c'est Mam Koumba Bang. C'est pourquoi on vous interdit d'aller sur le bord du fleuve ou bien de sortir dans les rues d'ailleurs à certaines heures parce que vous ne croisez personne. Il y a des moments où il y a des esprits qui sont là et donc il faut les respecter aussi. Bon, un jour ma grand-mère m'avait raconté que Mam Koumba Bang est bel et bien une sirène. Mais aussi quand elle va au marché et se transforme en une personne, elle est aussi tellement belle, adorable et tout. Et aussi, des fois, quand elle, à sa retour du marché, elle va au bord du fleuve, elle appelle un talibé pour qu'il tient ses, voilà, des trucs, pour, ouais, ses marchandes et tout. Après, elle va l'offrir une bague et soi-disant un petit collier, genre. Après, elle va disparaître dans le fleuve. Moi, j'ai vu des choses étranges ici. C'est pourquoi on me dit souvent qu'il ne faut jamais arrêter de faire des offrandes de lait. Si tu peux le faire chaque matin, surtout les mardis et jeudis, je le fais chaque jour. J'achète 1000 francs de lait ou 500 francs. Je fais mes prières et je les verse dans l'eau. Quand tu fais ces pratiques souvent, tu peux être épargné des accidents. Les gens ont des problèmes ici, c'est parce qu'ils ne font pas ces rituels. Il paraît qu'une fois, au cours d'un baptême, une personne est allée verser du lard, c'était trop chaud, dans le fleuve. Et puis, il a reçu en pleine tronche parce que Mam Koumba Bang n'en voulait pas, c'était trop chaud. Donc ça lui a brûlé la figure, quoi. On dit qu'avant de baigner dans le fleuve, il en faudrait faire des offrandes et tout. Bon, une fois, quand je faisais la classe de CM2, j'étais avec une camarade de classe. On marchait sur le pont comme ça. Donc, il y a ma camarade qui m'a raconté que si tu jettes de l'argent, tu vas, tes sous, ils vont s'exhauster sous ça. Donc, moi, j'avais 2 ans sûrement et j'ai jeté ça. Bah oui, j'ai réussi mes examens. Quand je faisais la 4e, j'avais un peu des problèmes parce qu'il y avait des djinns qui me suivaient et tout. Du coup, mes parents avaient pris de les cahiers pour mettre ça sur le fleuve parce qu'ils disaient que mon baba pouvait me protéger. Puisque des fois à l'école, dans les toilettes, il y a, à partir de 14h, il y a des bruits qu'on entend là-bas et du coup, j'avais des troubles de tête. Du coup, mes parents étaient partis là-bas pour faire ces souffrances. Ils sont disparus maintenant, je me sens trop bien. Mon baba est vénéré par les pêcheurs. Gêné redoutable tant par sa puissance et son savoir. En effet, lorsque les eaux se déferlent dans les rives et balayent tout sur son passage, et lorsque les eaux se troublent et n'offrent plus de poissons, ces derniers s'empressent pour donner des offrandes pour avoir son pardon. Du lait, des biscuits, du riz, etc., viande, etc. Mais faire monter des griots ou des gens castés dans une pirogue sans faire de sacrifice, ils ne vont pas accepter. Au départ, les gens rigolaient, hein, ils ne me prenaient pas au sérieux. Toi, un bon musulman, c'est comme ça. Je dis, allez-y, je vous laisse, allez-y, vous allez voir. Quand ils ont été, ils leur ont dit, bah, écoutez, un, on ne monte pas sur des pirogues. Deux, vos barges là, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Et troisièmement, on ne peut pas monter sur le fleuve comme ça la nuit sans sacrifice. C'est là où les gens sont revenus vers moi pour me dire maintenant vers quelle famille. J'ai dit allez-y à Gendar, allez-y à Balokos. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été donnés de l'argent à Gendar, à Balokos. Ils ont fait le nécessaire. On a fait notre cérémonie sans souci. Sinon, tu vois tout de suite une barge qui se renverse. Mam Koumbaban qui vient nous dire mais vous me dérangez la nuit, etc. Et les gens allaient y croire hein, que c'est parce qu'elle est fâchée. On n'a pas fait ce qu'on devait faire. Et donc, pour mettre toutes les garanties de notre côté, on a fait le nécessaire. On a fait une belle soirée et tout le monde est rentré content. Il y a une de mes tantes, qui est décédée maintenant, qui était assez âgée, qui m'a dit que avant, ou un du moins, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, les Saint-Louisiens avaient l'habitude, à l'approche de l'hivernage, qui est une période très sensible, où il y a beaucoup de noyades, on faisait traverser le fleuve à une jeune fille, une fille nubile. On la mettait dans la pirogue avec une calebasse de lait, et il y avait un petit orchestre derrière elle qui l'accompagnait, un chœur. L'accompagnait avec un petit tam-tam, et arrivé au milieu du fleuve, on s'arrêtait, on disait des incantations, et elle versait le lait dans le fleuve, et ensuite elle y continuait jusqu'à l'autre rive. Et ça, c'était fait pour, de manière propitiatoire, pour éviter qu'il y ait trop de noyades. Parce que pendant la saison des pluies, il y a beaucoup plus de noyades que d'habitude. Ça se comprend aussi, parce que les jeunes vont se baigner au bord de la mer, il fait chaud, donc ils vont prendre des bains plus souvent qu'en période froide. Et donc il n'y a plus de noyades forcément. Donc c'était fait pour conjurer un peu cela, quoi. Mais d'après elle, ça s'est fait jusqu'au un peu après la Deuxième Guerre. Après, ça a disparu. Ça, c'est un rituel dont je suis à peu près certain, parce que ce qu'elle me raconte pas des histoires. Il y avait un monsieur là qui s'appelait Seydou. L'on disait que c'était un descendant de Mam Koumbaban et qui avait la faculté de récupérer les noyés. Seydou, wax deug yalla, Quand il y avait des noyés, Sédou lance sa bague puis plonge dans l'eau. Sur une courte durée, il sort de l'eau avec le corps du noyé. Je le connaissais bien et j'ai assisté à plusieurs scènes de ce genre. Il y avait un enfant du nom de Mam Abdou qui habite à Kouenbouyakou. Il était avec un enfant talibé, ce dernier s'est noyé dans le fleuve. Finalement, on l'a repêché le lendemain. Tu vois le corps sans vie de l'enfant mangé par les crabes et les poissons. C'est Sédou qui l'a repêché. Ce temps-là, j'étais encore plus jeune et c'était la première fois que je vois un corps sans vie. Sédou était généreux. C'est le père de Abdoulaye Diallo. Ce qu'il faisait, Sédou, je ne vois plus personne qui peut le faire. J'ai beaucoup vu ses doigts, on croisait dans la rue. Et c'est un mec qui n'avait rien, matériellement il n'avait rien. Il marchait, voilà, l'extrême pauvreté quoi. Parce qu'il ne vivait pas dans un monde matériel. À l'approche de l'hivernage, il fait le tour des maisons pour récupérer les offrandes du fleuve. Après avoir reçu les donations, il prépare dans une grande marmite de la bouillie avec du lait. Un repas copieux puis la verse au milieu du fleuve. C'est la raison pour laquelle ils arrivent toujours à repêcher les noyés. Et je suis arrivée à la maison, juste avant de rentrer, je voyais les gens courir vers le côté du grand bras du fleuve. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui est en train de se noyer. Je dis, mais quelqu'un qui est en train de se noyer, mais il faut l'aider. J'ai posé mon sac et je suis partie. Je suis arrivée, j'ai dit, mais il est où? On dit, ah ben, tu vois, toutes ces personnes qui sont là, le monsieur, le vieux monsieur, avec les gosses qui jouaient au football, ils ont essayé de prendre chacun par derrière pour tirer. Impossible. Ils étaient obligés, le monsieur était obligé de lâcher sa main pour ne pas qu'il emporte tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe? Je vois les sapeurs-pompiers qui s'affairent à l'intérieur du fleuve et autres. Et brusquement, il y a le médecin-chef de région qui débarque avec... Les gens ont dit, Sédou, Sédou. C'est effectivement un vieux monsieur. Quand quelqu'un se noyait, on l'appelait, il venait, il enlevait son boubou. Il sortait une bague en argent qu'il lançait dans le fleuve. Et là où tombait la bague, c'est là où se trouvait le corps de la personne noyée. Et tout de suite, il est venu. C'est comme si, comme il a fait comme ça. Et tout de suite, il est ressorti avec sa bague et le corps du garçon. Il a couru avec vers l'hôpital. Et c'est d'où les gens disent que c'est le descendant, que c'est le petit-fils de Mam Koumba Bang. Et c'est d'où avait cette chose de, à chaque fois que quelqu'un se noie dans le fleuve. Aujourd'hui, vous allez à Saint-Louis, vous allez trouver des gens qui sont témoins oculaires. Quand quelqu'un se noie dans le fleuve, on va chercher Sédou. Il vient avec sa pirogue, il a une bague qu'il jette dans l'eau et il peut trouver le corps. Il trouve le corps. Il paraît aussi que parfois, il pouvait rester 2 ou 3 jours dans le fleuve et qu'il a ressorti vivant. Donc lui, c'était un descendant de Mam Koumba Bang. Hein? Dans le village de Guetnar, le village des pêcheurs, n'est-ce pas? Le village des pêcheurs qui est très important à Saint-Louis, parce que la pêche est une activité de premier plan. En fait, les pêcheurs, c'est des gens qui sont venus par le nord. C'était Walo Walo, de grands pêcheurs, et puis doublés de connaissances aussi, hein, ésotériques, il faut le dire, qui leur ont permis de s'installer tout le long de la langue de Barbarie, qu'on appelait d'ailleurs, c'était pas habité, et c'était un parc à bétail. Et d'où le nom de Guetna. Guet, ça veut dire foiraille. Foiraille. Et donc, c'est ça le nom du premier quartier qui a été créé avant Dartout, Gokhombach, Hydrobaz, etc. Et donc, les pêcheurs se sont installés à Guetnar. Ils avaient leur façon de vivre, leur façon de parler, qui est toujours restée d'ailleurs. Mais les grandes familles saint-louisiennes sont d'origine de Guetnar et quand on remonte, ils viennent du Walo. J'étais allée avec ma grand-mère au bord du fleuve. Mais en allant, pour faire des offrandes, on ne tourne pas la tête parce que c'est la tradition. Et aussi, on dit que Mankoumabang est bel et bien vivante. Et aussi, que sa maison se trouve au point du Nord. Il y avait un casino là-bas. C'était un ancien casino. Et un jour, il faisait un festival, un genre un bal. Et Mankoumabang les avait avertis en leur disant « Vous me dérangez, genre. » Mais eux, ils ne comprenaient pas. Et un jour, le casino a pris flamme, a pris feu du tout. Elle n'a pas de maison, c'est un génie dans l'eau. Mankoumabang habite au pont de Hor. Mankoumabang habite ici à Andar, à la hauteur du casino, là où il y a des arbres, à l'intérieur de l'université. C'est là où elle a son refuge. Mais plongeurs, quand les plongeurs blancs étaient venus pour réhabiliter le pont, ils ont dit qu'il y a une maison par ici. Une maison en forme de cercle avec plein de choses dedans. Mais mes amis plongeurs de Dakar qui ont installé les câbles électriques de la Sénélec me l'ont confirmé. Alors, on va aller sur le bateau pour essayer d'interviewer Mankoumabang sous le pont fait d'herbe. On va prendre le bateau pour aller enregistrer, prendre la voix de Mankoumabang ou les sons de sa vie souterraine, sous-marine. C'est ici que les plongeurs ils ont dit qu'il y a des trucs. Oui, c'est ici, oui. C'est donc sous le pont. Ouais. Ok. Donc on est à un endroit où apparemment il y a eu des remous et des choses qui ont été observées sous le pont Faidherbe par des plongeurs. Et des phénomènes étranges, des courants non expliqués. Donc on va aller enregistrer et voir si Mam Kumba Bang a quelque chose à nous dire. C'est pas un câble, c'est Mam Kumba qui nous attrape là. Quand tu vas dans un lieu comme ça, tu dois faire des offrandes de lait. Peut-être si on l'avait fait, on n'aurait pas eu de problème. Wow, bon macro. Chaud ou le lait? Pas ouf, mieux. Froid. C'est pas mieux. Ah non, mais chaud peut-être le lait pas. Ouais, mais froid. Moussède. Combien de là? 1500. Bon, on a acheté du lait caillé pour Mam Kumba Bang parce qu'on s'est fait attraper l'ancre. Elle nous a retenu. On a dû couper la corde de l'ancre et abandonner l'ancre. Donc on pense que là, il faut peut-être faire un geste. Bismillah, ça veut dire au nom d'Allah quoi. Et après tu fais tes vœux et après tu verses le lait dans l'eau quoi. C'est de faire à haute voix ou pas? Non, si souffre. Ah, le mieux, c'est de dire on va basse. Très bien. Et on reverse tout dans le. Tu vas le faire maintenant? Oui. Je vais le faire ici. Une offrande à Mam Kumba Bang pour. Parce qu'on l'a dérangé. Yes. Bonjour, jeune fille. Bonjour. Je sais que tu ne me connais pas, mais je suis Mam Kumba Bang. Mam Kumba Bang. Ah ben, bien sûr. Hey, Mamkoumbabang, on dit que c'est une ancêtre. Elle vit sous l'eau. Et pourquoi tu es là? Parce que nous sommes dans des temps modernes. Il faut savoir se moderniser. Je suis comme vous, je m'habille comme vous, je parle comme vous. Et je pense aussi comme vous. Vous devez avoir 1000 ans. Et alors? Et vous êtes aussi jeune, plus belle que toutes les Saint-Louisiennes ici. Vous l'avez dit, je suis Mamkoumbabang, protectrice de cette ville. Je suis une princesse. Peut-être que vous ne le savez pas, mais je suis comme vous. Je parle comme vous, je mange comme vous. Je peux me transformer en qui je veux. Et j'ai adopté ce style pour pouvoir vous comprendre et vous ressembler. Comment vous avez fait pour vivre alors pendant toutes ces années sous l'eau? Parce que je suis une protectrice. Oui. Vous avez des enfants? J'ai des petits-enfants. J'ai des descendants. Oui. Vous ne mourrez pas? Non, je ne meurs jamais. Des symboles qui peuvent résister dans le temps, c'est de ça qu'il s'agit. Des symboles qui feront que 70 000 ans après, toutes ces générations-là qui sont passées entre 2021 et 2000, je ne sais pas quelle année, ou 3000 ans, 3000 et tout, ils auront, la seule chose qu'ils auront en commun, c'est l'histoire et ces légendes-là. Et effectivement, le seul mythe qui restait, c'était celui de Mamkoumbabang. C'est toujours un personnage qui flotte un peu dans l'esprit des gens, dans l'imaginaire, à tel point qu'on peut dire qu'elle fait partie de l'imaginaire collectif saint-louisien. Moi-même, qui vous parle, je ne dirais pas que je suis un adepte de Mamkoumbabang, mais je l'ai mise dans une case quelque part dans ma tête. Hein. Et vous protégez aussi la ville comme ça, en étant aussi belle. Vous charmez oui, les hommes aussi. Parce que je peux le faire qu'en étant dans votre peau. Tu connais Facebook? Bien sûr. Je suis sur les réseaux. J'ai Instagram, j'ai Twitter, j'ai WhatsApp, j'ai tout. Ah bon? Oui. Et vous faites des TikTok? Bien sûr. Sous l'eau? Sous l'eau. Comment est votre maison? Ma maison, elle est très belle, elle est grande, elle a une piscine. J'ai une piscine sous l'eau. Il n'y a pas de piscine. Oui, là où j'habite, il y a des manèges, des fêtes foraines. Il y a aussi, on organise aussi des concerts. Vous ne pouvez pas savoir parce que vous ne vivez pas sous l'eau. Mais moi qui y vis, je sais. Moi, je veux venir habiter avec toi. Est-ce que c'est possible? Ça ne sera pas possible. Et pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas respirer sous l'eau. Mais vous pouvez me donner ces mois? Non, je ne peux pas. Mais pourquoi? On dit qu'il y a des enfants, les enfants qui se noient, viennent avec vous. Si vous voulez venir, vous ne pourrez plus voir vos parents. Ouais, j'accepte. Et ensuite, je pense que c'est un mythe qui est en perte de vitesse encore plus maintenant où il y a une sorte de radicalisation dans la pratique religieuse, où on tolère de moins en moins ce genre de croyances, disons. Même quand jusqu'à l'adolescence, on entendait beaucoup plus parler d'elle. Et je me souviens que les parents faisaient peur à leurs enfants en évoquant Mamkoumbabang. « Ah, je vais t'amener chez Mamkoumbabang », etc. On sentait plus sa présence, quoi, plus que maintenant. Bon, c'était pas à l'époque des télévisions, des smartphones, de tous ces appareils qui tuent aussi ce genre de croyances. Hein. On était plus dans le visuel imaginaire, quoi. Il fallait donc peupler notre imagination de personnages comme ça. Il y a une autre forme de revivification de Mamkoumbabang par les arts. Il y a des artistes de tous bords qui se sont emparés du personnage pour en faire un objet de création artistique. Let's go. sugar batu bay sogi top yonu ndokh mi gana yo xoramsi djegi bal bi wiri lodo tere sindo ne nuru ci lebi muri taxi mami tension fi dama la ge sama geju serit sambara saleru taram ma taxa xamni dafa rax ngoko bi nga tek moma daj bobu takku san yaram widi daw fi wi des tax ma sakku ñaan takal dekk nga ma firi le misale nak la xama tax sa domi def ko mbalit kumbak dekh gi luñu ñaar deg deg luñ ko abi togal ci beurep bi tewlu ndox mi deg patu robbi ce qu'on appelle en wolof rab c'est rabu ndox yi quoi c'est les génies tutélaires de l'eau et qui s'occupent du lien entre l'au-delà et l'ici-bas. Donc les gens ils vont solliciter de la protection, de la santé, du savoir, etc. auprès de ces génies à travers des libations, des pratiques, des rites. Et ces génies-là sont dans la vie de tous les jours. Tout simplement parce que on dit que c'est un mythe, on dit que c'est une légende. Quoi qu'il en soit, c'est notre réalité à nous. Et quoi qu'il en soit, les mythes et les légendes ont bien une fonction sociale. Ils servent à quelque chose. Je pense que ça a permis déjà avant tout à ce que les enfants qui naissent à Saint-Louis ne jouent pas trop avec le fleuve. Mais ces réalités-là, en tout cas pour nous, pour nos sociétés, c'est des choses qui ne relèvent pas du surnaturel, c'est du réel. C'est la vie de tous les jours. En fait, ce qu'on appelle magique ou surnaturel, c'est un réel qu'on ne voit plus, qu'on a du mal. C'est un réel vis-à-vis duquel on est plus sensible. Et donc des gens plus sensibles à ça vont l'appeler magie ou surnaturel pour resensibiliser leur groupe à ce réel-là, qui n'est pas dehors, tu vois, qui n'est pas dehors ni au-delà, qui est dans notre vie de tous les jours, quoi. Et la nature a besoin du sacré pour perdurer. Et aujourd'hui, ce qui dérange le monde, pourquoi la mer se rebelle, pourquoi il y a le réchauffement climatique, pourquoi il y a tous ces enjeux-là, parce qu'on a enlevé le sacré qu'il y avait dans la nature. Mais ici, par exemple, tu vois un baobab, on te dit c'est la maison des djinns. Si tu le coupes, ils vont t'attaquer. Vrai ou faux, là n'est pas la question. La question est, quel enseignement en tirer? Est-ce qu'il faut couper un baobab? Est-ce qu'il faut couper un arbre qui a plus de 300 ans? Je pense que non. Et il fallait que le fleuve soit sacré. Il fallait que la mer aussi soit sacrée. Le mythe Mamkoumbaban peut au moins apporter ça. À ce que le fleuve, pour tous les Saint-Louisiens, c'est sacré. Jonathan Frigieri. Avec par ordre d'apparition, Louis Camara, écrivain, Fatima Fall, directrice du CRDS, Amadou Lamine Diagne, habitant de Guendar, Abdul Hadir Aydara, historien, El Haj Mahoumbeng, président régional des communicateurs traditionnels, Fehé Sar, étudiant-chercheur, Index Nyurkouk, président de l'association Bechugunarekam, Iliman Diop, artiste peintre, Fatou Banda Diop, habitante de l'île de Saint-Louis, les élèves du lycée Ahmed Fall, Saïd Mohamed Ba, professeur de lettres, Mansour Abaye Marabou, Seynigay Piroguier, Nata Diallo, fils de Seydou, Soukay Nignan, habitante de Guenda. Musique de Abdoulaye Silla, Dara Guissé, Cheikh Baifal, Pape Mbaye, Index Nyulkouk, fait doublage par Baye Diop et Khadindjaye. Prise de son réalisée à Saint-Louis, Sénégal, en mai 2022. Montage au studio de IIRRM à Genève, Suisse, en août 2022. Mixage et post-production au studio of the White Worm à Bruxelles, Belgique, en septembre 2022. Une production dans l'Institut international de recherche sur la radio et la magie. À avec le soutien de Proelvetia Johannesburg, la Fondation Suisse pour la Radio et la Culture et Suisse Perform. Un grand remerciement au CRDS, Radio Teranga FM, Lycée Ahmed Fall, Dardar Music et Café, le Mix Club, Bernard et Catherine Desjeux, Idi Diallo, les habitants de Gendar et Mam Kumbabang. I'm water, water, Mam Kumba water. Water, water, I'm water, water, Mam Kumba water.